Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940. Beaucoup de gens ont aperçu des navires de bronze fantomatiques, occupés par des personnes à qui on semblait avoir coupé la tête. Des personnes noires, sans tête, assises dans un bateau brillant et avançant rapidement sur la mer, si bien que cette vision pouvait presque à elle seule entraîner la mort de ceux qui l'avaient partagée. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Parmi l'inventaire des fléaux sanitaires, inventaire auquel a incité le virus ennemi que nous affrontons tous ensemble, on a beaucoup évoqué l'épidémie qui a frappé Athènes en 430 avant Jésus-Christ et que Thucydide, qui l'a vécu, raconte de façon saisissante. On a abondamment dépeint les ravages de la peste noire qui a parcouru l'Occident tout entier au mi-temps du XIVe siècle. On a parlé souvent des apparitions successives du choléra au XIXe. On a rappelé à nos mémoires la grippe dite espagnole qui a déployé ses terribles méfaits à la fin de la Grande Guerre. Mais on a moins décrit ce que certains auteurs présentent désormais comme la plus grande catastrophe qui ait jamais frappé dans cet ordre l'humanité. Je veux parler de la peste dite de Justinien, qui, à l'époque de la gloire de Constantinople, et avec des résurgences qui se sont étalées sur 200 ans, oui, sur 200 ans, a provoqué un choc démographique dramatique, a bouleversé les équilibres géostratégiques du temps, a jeté à bas les économies et a démantelé les sociétés. C'est ce phénomène que nous allons considérer aujourd'hui dans toutes ses dimensions et sous la lumière de nos inquiétudes contemporaines et des questions qu'elles font surgir, en nous interrogeant aussi, chemin faisant, sur les liens avec les données climatiques de l'époque. La meilleure des guides vers ces rivages va nous être Claire Sotinel, professeure d'histoire romaine à l'Université de Paris-Est-Créteil, où elle dirige le Centre de recherche en histoire européenne comparée. Elle est spécialiste de l'Antiquité tardive. Nous avions naguère traité ensemble de Saint-Augustin et de sa trace. Le sujet dont il s'agit ce matin ne va pas nous éloigner des questions de spiritualité, tant il est vrai que les comportements affectifs du côté du sacré font partie intrinsèquement de cette histoire des réactions des humains devant des événements gigantesques qu'elles s'efforcent désespérément de maîtriser. Et d'abord, un extrait de Procope, l'un des témoins majeurs de la peste de Justinien. Dans la majorité des cas, les victimes étaient prises par la maladie sans être conscients de ce qui allait arriver, ni par une vision éveillée, ni par un rêve. Et ils étaient pris de la manière suivante. Ils avaient une fièvre soudaine, certains juste à leur réveil, d'autres pendant qu'ils marchaient, d'autres dans d'autres activités sans aucun lien avec ce qu'ils faisaient. Et la couleur de leur corps ne changeait pas du tout. Ils n'étaient pas chauds comme on peut l'attendre dans une fièvre, et on ne voyait aucune inflammation. Mais la fièvre était si modérée au début et jusqu'au soir que ni les malades eux-mêmes ni les médecins qui les touchaient ne pouvaient avoir aucun soupçon de danger. Mais à partir de là, l'évolution était très variable et je suis incapable de dire si la cause de la diversité des symptômes venait de la diversité des corps ou si elle dépendait de la volonté de celui qui avait introduit la maladie dans le monde. Car pour certains suivait un coma profond, pour d'autres, un violent délire, et dans les deux cas, ils souffraient des caractéristiques communes de la maladie. Car ceux qui tombaient dans le coma oubliaient tous ceux qu'ils connaissaient et semblaient dormir en permanence. La mort advenait parfois immédiatement, chez d'autres, après de longs jours, et chez certains, le corps était couvert de pustules noires, presque aussi grosses que des lentilles, et ceux-ci ne survivaient pas même une journée, mais mouraient immédiatement. Chez beaucoup aussi, un vomissement de sang s'ensuivait sans cause visible, et il apportait directement la mort. De plus, je peux affirmer que les plus illustres médecins prédisaient la mort à beaucoup qui, de façon inattendue, échappaient entièrement à leurs souffrances peu après, et qu'ils déclaraient qu'allaient être sauvés beaucoup qui étaient destinés à être emportés presque immédiatement. Ainsi, dans cette maladie, il n'y avait aucune cause qui entrait dans le raisonnement humain, car dans tous les cas, l'issue était inexplicable. Claire Sotinel, bonjour. Bonjour. C'était donc, et j'ai demandé à Jeanne Guéroux de le lire, un extrait de l'histoire de la guerre contre les Perses, de Procope de Césarée, au livre 2. Est-ce que c'est un témoin qui vous paraît pertinent, et est-ce qu'on peut lui faire confiance ? C'est un des témoins que nous avons, qui sont des contemporains de cette première épidémie de peste à Constantinople. Il y était, il l'a vu, c'est un bon historien, donc il y a toutes les raisons de lui faire confiance. Et en même temps, c'est un grec cultivé qui a lu Thucydide, qui sait raconter une épidémie. Et les récits d'épidémie partagent tout un grand pathos, sens de l'importance de l'événement. Donc oui, on peut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance d'abord parce que on a Procope de Césarée, on a Jean d'Éphèse, Évagre le Scolastique. On peut comparer. On peut comparer. Premières qui sont tous les trois des contemporains de la peste et qui tous trois racontent cette première explosion de l'épidémie. Et donc l'historien fait avec les sources qu'il a. Thucydide, il faut rappeler que c'est lui qui a raconté la grande peste d'Athènes au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et de la même façon, Thucydide, qui était contemporain de la peste et qui l'a vécu. Mais il y a des codes de récits d'épidémie, même quand ce n'est pas la peste, même quand c'est une autre maladie. Donc l'historien est face à la difficulté très habituelle de trouver la juste distance critique vis-à-vis de ces témoignages. Bien sûr, il y a eu une peste à Constantinople. Il y a des détails spécifiques, les bubons, les taches sur la peau, le rythme de l'épidémie. Alors le bubon, en grec, ça désigne l'aine. Mais dans ce texte même, Procope dit « les gens avaient des bubons, non pas sur le bubone, non pas sur l'aine, mais ailleurs ». C'est-à-dire qu'on reprend un terme qui existe pour décrire une réalité médicale nouvelle, puisque cette peste de Justinien, c'est une nouvelle maladie. C'est une maladie qui n'est pas attestée, en tout cas dans l'Empire romain, dans la mémoire des hommes, même si les spécialistes d'histoire de la médecine pensent avoir détecté des traces de peste à l'époque préhistorique dans des restes osseux. Dans la mémoire des hommes, ça n'est pas une maladie bien référencée. Je ne suis pas spécialiste d'histoire de la médecine, donc je ne rentrerai pas dans le détail, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que pour les contemporains, c'est une nouveauté. Et c'est une maladie dont on ne connaît pas les rythmes, dont on ne connaît pas évidemment les moyens de guérir. On emploie ce mot, ce vieux mot de peste qui désigne la pestilence, c'est la maladie qui passe et qui ravage en masse. Mais on voit qu'il y a des symptômes nouveaux et l'inquiétude de ces témoins, la façon dont la peste est racontée, montre cette inquiétude, exprime cette inquiétude devant quelque chose de nouveau. On nous dit que les autres épidémies ou pandémies auraient été de nature différente, d'après les spécialistes d'histoire de la médecine, probablement de la variole pour la peste antonine, du typhus pour celle d'Athènes, la peste antonine de 165 à 180 après Jésus-Christ, de typhus pour la peste d'Athènes de 431 à 426 avant Jésus-Christ, mais aussi peut-être une fièvre hémorragique de type Ebola, et puis il y aurait d'autres maladies, diphtérie ou la malaria à Syracuse en 396, n'en jetez plus. Mais enfin, il y aurait une originalité. N'en jetez plus, mais vous avez employé le mot pandémie qui est extrêmement intéressant et important quand on parle de la peste de Justinien, parce que la peste d'Athènes, c'est la peste d'Athènes, à Athènes. Et on a beaucoup, dans l'histoire du monde antique, d'épidémies. Les épidémies, c'est très familier. Et des crises de mortalité localisées, je dirais qu'on en a tous les ans quelque part dans le monde méditerranéen. Enfin, j'exagère, j'y connais rien. Mais enfin, si c'est pas tous les ans, c'est tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Une grande nouveauté qui apparaît avec ce qu'on appelle la peste antonine, c'est que cette épidémie qui frappe en particulier l'armée de Marc Aurèle et qui se diffuse en Italie et ailleurs... Marc Aurèle en est mort lui-même. Elle est perçue comme étant une maladie impériale. C'est-à-dire elle change d'échelle, en quelque sorte. Et quand elle est un peu évoquée par les contemporains, elle est évoquée comme quelque chose qui touche tout l'Empire. Et il y a ce changement d'échelle... Pandémie. Est-ce qu'il est dans la réalité médicale de cette maladie, qui ne fait pas du tout l'unanimité chez les historiens? À l'heure actuelle, en 2020, vous pouvez trouver des historiens qui rapportent l'histoire de la fin du IIe siècle en donnant une place très mineure à la peste antonine, et d'autres historiens qui en font un moteur essentiel des transformations politiques de la fin du IIe siècle. Il n'y a absolument aucun consensus là-dessus, parce qu'on manque complètement de sources directes, littéraires ou matérielles, qui documenteraient une véritable pandémie. Dans le cas Claire Sentinelle de la peste de Justinien, je ne vous laisserai pas m'échapper. Autrement dit, je vous demanderai de trancher, ou en tout cas de donner votre avis, en particulier quant à la dimension. La dimension de cette peste, l'historiographie a évolué récemment. Et comme nous ne sommes pas une science exacte, nous sommes seulement une discipline en histoire, vous allez me dire ce qu'il en est, ce que vous en pensez. Elle a été complètement bouleversée depuis les années 2000. On pourrait mentionner un article pionnier de Jean Durlia en 1989, qui a écrit un article sur la peste du VIe siècle, dans lequel ce byzantiniste français donnait une grande importance à la peste du VIe siècle. Mais en réalité, jusqu'au début des années 2000, la peste de Justinien est presque oubliée. Et aujourd'hui, certains nous disent que c'est la plus grande crise sanitaire, absolument. Qui a frappé l'humanité. Alors, le changement, il vient de plusieurs choses. Certaines sont très objectives et d'autres sont mon analyse d'historienne. Je ne les mettrai pas sur le même plan. Ce qui est très objectif, c'est qu'en 2002, on a pu analyser le génome de Yersinia pestis, le bacille de la peste. Et de découvrir le génome du bacille, ça permet de le retrouver, de le détecter dans des vestiges osseux. Et donc ça a permis de découvrir que la peste de Justinien, en analysant des vestiges osseux de squelettes du 6e ou du 7e siècle, que cette peste de Justinien, c'était la même que celle de 1348. Ce qu'on ne savait pas avant. On avait des descriptions, mais les descriptions littéraires, vous avez entendu Procope, c'est quand même difficile pour un médecin. Ça demande beaucoup d'interprétation. Avec l'analyse du génome, on a un élément très précis. Ce qui a suscité d'énormes espoirs pour comprendre la peste. Et depuis, on a fait beaucoup de progrès. Ça a déclenché une transformation historiographique qui est l'ouverture d'un travail pluridisciplinaire entre des médecins, des spécialistes de l'analyse ADN, des anthropologues funéraires, des historiens. Et ça a beaucoup contribué à voir la peste de Justinien, enfin documentée d'une certaine façon, au-delà de Procope et des quelques autres auteurs qui la mentionnent, de façon un peu globale. Autrement dit, si je vous avais invité il y a 20 ans, au début de Concordance des temps, vous n'auriez pas dit la même chose. On n'aurait pas dit la même chose, et je pense que j'aurais eu très peu de choses à dire de la peste de Justinien il y a simplement 20 ans. Donc ça, c'est un premier changement qui a suscité beaucoup d'intérêt dans les milieux scientifiques. Et l'autre changement, c'est que on est animé de plus en plus par le désir de faire une histoire globale, une histoire d'ensemble, voire une histoire environnementale. Et la peste de Justinien s'y prête très bien. Alors, dans le monde anglophone, les études se sont multipliées à partir des années 2000. Et progressivement, s'est constitué un récit global. Un récit global qui place les événements naturels au cœur de l'histoire politique et autres. L'initiateur de ce récit global, c'est un historien anglais qui s'appelle Stephen Mitchell, mais en France, on connaît surtout le livre de Kyle Harper, qui a été publié en 2019 dans sa traduction française. Comment l'Empire romain s'est effondré, le climat, les maladies et la chute de Rome. Comme toujours, nos préoccupations actuelles pèsent Exactement. Sur les interrogations, c'est-à-dire l'écologie, de fait. Nos préoccupations actuelles, c'est-à-dire l'écologie, et c'est-à-dire, et c'est là que je donne une opinion très personnelle, une sorte de, d'horizon d'attente de catastrophe hein, que je trouve très très sensible dans beaucoup des discours à la fois politiques, journalistiques, mais aussi des travaux d'historiens dans ces 15 dernières années. Il y a donc la rencontre entre la découverte par le docteur Yersin au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, du bacille de la peste. Il est aussi important que Pasteur, en fait, dans l'histoire de la médecine. Et l'ADN contemporain. Hommage à Yersin, je crois qu'il le mérite. Vous allez voir, c'est une lettre d'hommage à Yersin du maréchal Lyautey, dans une archive qui remonte à juin 1950, la radio d'État. Pierre Fromentin et Pierre Ichac vous présentent le magazine de l'Union française. Qui connaît Alexandre Yersin ? Bien peu de gens. Et pourtant, actuellement, a lieu une décade en son honneur. Il y a une très grande personnalité qui a également connu le docteur Yersin. Et je crois que vous avez une lettre à ce sujet. C'est celui qui devait devenir le maréchal Lyautey. Oui, monsieur. Et si vous me le permettez, je vais vous en lire... Je vous en prie. ...quelques lignes. Je ne puis vous la lire tout entière, puisque le temps nous est mesuré. Je passe tout de suite au cœur du sujet. Il écrit... Il y a le docteur Yersin, élève de Pasteur et du docteur Roux. Ce jeune médecin de la marine, il n'a pas 30 ans. S'est voué à la science microbienne et à la recherche spéciale des vaccins, extrême orientaux, avec la foi, la volonté et la passion des grands chercheurs. Comme tous ceux qui surgissent, il a trouvé d'abord des montagnes d'obstacles, de doutes et de formalisme. Comme tous ceux qui croient et veulent, les Bernard Palissy et les Napoléons, il les a vaincus. Il les vainc, il les vaincra. Il s'est attelé d'abord aux deux fléaux qui ravagent bêtes et gens de l'Asie, peste bovine et peste humaine dite bubonique. Il s'est installé à Niatran, dans le laboratoire pasteurien, qui va peut-être bien devenir historique. Et ce sont des heures de réconfort qu'on passe dans cet établissement encore rudimentaire, avec ce jeune savant sans besoin personnel, uniquement possédé par son œuvre. Merci donc, Claire Sotinel, au jeune savant qui... nous permet indirectement d'éclairer cette peste justinienne. Mais peut-être avant d'y venir dans le détail, le phénomène, les répercussions dans la psychologie des contemporains et longtemps après, peut-être faut-il que vous nous rappeliez, en gros, ce qu'était le monde de Justinien à ce moment-là, dans l'Antiquité tardive. Alors, le monde de Justinien, c'est une période qui est... prospère et triomphante en Orient, autour justement de cet empereur qui accomplit une œuvre politique majeure en rassemblant, en codifiant l'ensemble du droit romain. Les historiens du droit aiment beaucoup Justinien. Bah oui, et pour cause, c'est quand même une œuvre absolument considérable, en construisant des monuments infinis, non seulement des églises, dont Sainte-Sophie à Constantinople. Justinien construit aussi de très nombreuses fortifications, restaure des villes. C'est un empereur extrêmement extrêmement actif et Constantinople est une ville prospère qui atteint le demi-million d'habitants à l'époque, moins que Rome dans sa grandeur, mais tout de même une ville, une mégapole, comme disait Claude Nicolet. Et c'est un empereur qui entreprend de reprendre le contrôle des provinces occidentales qui sont sorties de l'orbite impériale au cours du 5e siècle. Il reconquiert facilement en 534 l'Afrique sur les Vandales, ce que ses prédécesseurs avaient maintes fois tenté de faire pour restaurer, entre autres, le ravitaillement de Rome. Et en 536, il rompt avec le royaume gothique en Italie et entreprend la reconquête de l'Italie pour réintégrer cet ancien cœur de l'Empire à l'ensemble impérial romain. Il est aidé par un fameux général, Bélisaire. Bélisaire, il sait attirer auprès de lui les hommes les plus remarquables de son temps, aussi bien dans le domaine de l'administration civile que de l'administration militaire. En revanche, l'évolution positive, la gloire du règne de Justinien est un peu cassée par la reprise de la guerre avec la Perse en 540. Ça, c'est vers l'Orient. vers l'Orient. Et une guerre avec la Perse, ça suppose pour un empereur romain des mobilisations militaires considérables, donc une pression fiscale considérable pour payer des armées très nombreuses. Donc il y a un premier coup d'arrêt dans l'épopée heureuse du règne de Justinien, qui est le début de la guerre contre la Perse. Enfin, l'épopée heureuse, ce sont tout de même les 15 premières années avant l'arrivée de la catastrophe. Oui, c'est tout à fait vrai, mais je voudrais redonner sa noblesse aux politiques. Le tournant arrive, c'est déjà moins heureux avant la peste. La peste, évidemment, aggrave les choses considérablement, mais en fait, l'effort de Justinien est sans doute un peu disproportionné aux ressources humaines et financières de ce qu'est l'empire devenu byzantin de son époque. Il y a 500 000 habitants à l'époque, semble-t-il, à Constantinople, donc des problèmes de ravitaillement énormes. Et Constantinople étant une plaque tournante à cet égard, cela explique aussi pourquoi sont arrivés les rats à partir des bateaux qui sont à l'origine de la catastrophe dont nous parlons ce matin. Moi, je veux bien qu'on dise ça. Mais... j'ai lu ça, mais j'ai peut-être tort. Non, mais c'est vrai. Mais Constantinople avait 450 000 habitants 20 ans plus tôt. Il y avait déjà les mêmes enjeux de ravitaillement. Et les navires qui vont d'Alexandrie à Constantinople, ils sont instaurés par Constantin en 337. L'Égypte, c'est le grenier. L'Égypte, c'est le grenier de Constantinople depuis 337. Et quand Rome avait 1 million d'habitants, des navires qui apportaient du blé à Rome, il y en avait encore plus et il n'y a pas eu d'épidémie de peste. Donc, il n'y a pas... les greniers à blé, comme le montre très bien Kyle Harper, jouent un rôle important dans le développement de la peste parce que les rats, effectivement, ne peuvent survivre dans nos régions que s'ils trouvent des abris, et ces abris, ils les trouvent en particulier dans les greniers à blé. Mais il y a des greniers à blé dans l'Empire romain en nombre considérable et des très grands greniers à blé pérennes depuis Auguste. Et il n'y a pas la peste depuis Auguste, donc on ne peut pas dire qu'il y a plus de greniers à blé sous Justinien et que c'est pour ça que les rats se développent. En fait, on a un phénomène de coïncidence. Comme aujourd'hui, on s'interroge indéfiniment sur la question du déclic initial. Exactement. Qui a fait que des conditions qui pouvaient potentiellement être dangereuses sont tout à coup conduit au pire. Et c'est d'Égypte, on le sait aujourd'hui, que vient le fléau du temps de Justinien. Alors c'est effectivement d'Égypte, on le sait depuis Procope, qui localise très précisément à Péluse, un port à proximité d'Alexandrie, le démarrage de la peste. Les historiens aujourd'hui, les médecins sont divisés, la peste a remonté la mer Rouge. Toute la question est de savoir. Des deux côtés, non? Elle passe par Alexandrie d'un côté et de l'autre par. C'est-à-dire qu'elle arrive, en fait. On remonte. Non, elle arrive vraiment par l'Égypte. Visiblement, elle arrive par l'Égypte. Toute la question, c'est de savoir si le foyer même de la peste, la naissance du virus, c'est l'Éthiopie, ce que croient un certain nombre de spécialistes du bacille, ou si elle vient d'Asie. Le commerce avec l'Inde, à cause de la Perse, là encore, qui n'arrive plus par les villes caravanières, par Palmyre, par le désert, mais qui arrive par la mer, qui fait le tour de la péninsule arabique, qui remonte la mer Rouge, et qui arrive, par Suez et par Péluse, jusqu'à Constantinople. Et donc, finalement, il y a un bout de trajet qui est commun, c'est remonter la mer Rouge. Est-ce que l'origine est complètement asiatique ou est-ce qu'elle est africaine? Les spécialistes sont divisés, et je n'ai pas de lumière là-dessus. Mais dans l'Empire romain, elle arrive bien par l'Égypte et elle se diffuse. Alors c'est très bien décrit par Procope et les autres témoins de l'époque. Elle se diffuse le long des routes maritimes au Proche-Orient et elle arrive à Constantinople en 542. Quelle est sa vitesse si on compare avec aujourd'hui? Évidemment, il n'y a pas d'avion. Alors, la vitesse est plus lente puisque toute l'année 541, la fin d'année 541, le printemps 542, elle est encore très localisée dans le nord de l'Égypte et elle commence à arriver en Syrie. Et elle n'arrive à Constantinople, qui n'est quand même pas très loin, qu'en en juin 542. Donc, elle a mis près d'un an pour parcourir la distance entre Alexandrie et Constantinople. On avait prévu son arrivée, on pense? Ah, pas du tout. Pas du tout parce que on connaît pas l'idée de contagion. Donc, on n'a pas l'idée que si elle est là, elle ira ailleurs. Il faut attendre de l'avoir vue pour le croire. C'est dans l'air, on ne sait pas ce qui se passe. C'est l'air qui est putride. C'est l'air, c'est la volonté divine, c'est le hasard. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour cette épidémie-là en particulier, Procope, qui a un esprit plutôt rationnel, qui aime beaucoup chercher les causes et les conséquences des choses, dit « on ne sait pas, on ne comprend pas, elle défie la raison humaine ». Et je dois dire que même moi qui suis extraordinairement intelligent, je ne saurais pas vous dire si les choses dépendent de la qualité des hommes ou de la volonté divine. On ne comprend pas ce qui se passe. On ne trouve pas de complotisme comme aujourd'hui, on le voit circuler. Non. Non, non. La peste, c'est aussi bien dans sa première attaque, qui est d'autant plus brutale que la peste et que ce virus est méconnu. On ne sait pas de quoi il s'agit, que dans ses résurgences ultérieures, ne génère pas de théories complotistes du genre c'est les Perses qui ont amené la peste ou c'est la, comme on le trouvera plus tard. En fait, on découvre ce type d'épidémie qui est extrêmement brutale, hein. Enfin, vraiment, la mortalité, c'est 1/2. Le temps de survie est très bref, souvent quelques jours. Un autre grand témoin, Jean d'Éphèse, qui lui pense que c'est probablement une vengeance divine, à la différence de Procope, écrit « Alors qu'ils se regardaient les uns les autres et se parlaient, les hommes commencèrent à chanceler et à tomber n'importe où, dans les rues, chez eux, sur les quais, sur les bateaux, dans les églises. Il pouvait arriver qu'une personne assise à son travail d'artisan, tenant ses outils à la main et en pleine besogne, se mette à chanceler sur le côté et que son âme s'envole. » Fin de citation. Je pense que la brutalité a énormément frappé les contemporains. Il est vrai qu'au début de 2020, personne ne pensait que nous aurions à affronter ce que nous savons que nous affrontons. De fait, hein. Mais je pense aussi que la peste bubonique est une maladie beaucoup plus brutale, hein, et plus spectaculaire, hein, que la maladie du coronavirus. Elle arrive. Quand elle attaque les gens, c'est effectivement brutal. Alors, elle est apportée, on le sait aujourd'hui, par les rats qui eux-mêmes portent les puces. Et quand les puces ne trouvent plus du côté des rats qui meurent une nourriture suffisante, ils se résignent à sauter sur les hommes, c'est à peu près ça? C'est la théorie dominante. Vous n'y croyez pas? Moi, je ne suis pas médecin du tout. Elle n'est pas partagée par tout le monde parce que, en fait, il n'y a pas beaucoup de rats. C'est un peu le problème de cette théorie qui embarrasse un certain nombre d'archéozoologues en particulier, mais aussi de médecins. C'est que, comme l'ont montré les travaux de Frédéric Audouin-Rousseau, ce qui est alias Fred Vargas, là, alias Fred Vargas, hein, mais qui a plus de rigueur dans ses travaux historiques, hein, et qui laisse moins libre part à sa flamboyante imagination. Dans ses travaux historiques, le rat apparaît bien dans le monde romain, dans l'Antiquité tardive. C'est vrai. Il apparaît au IVe siècle. Et donc, il est présent dès le IVe siècle. Et les quantités de rats trouvés, y compris dans les endroits très très bien fouillés, comme la Grande-Bretagne, où on a depuis très longtemps attentif à ce type d'archéologie, restent très faibles par rapport aux quantités qu'on trouve à partir du XIe siècle. Et il est très possible d'avoir la solution rat, puce, homme pour la peste de Justinien, mais ça ne peut pas coïncider avec le modèle d'une pandémie qui a liquidé 20% de la population, ou voire la moitié de la population européenne. Procope nous dit qu'il ne comprend pas pourquoi, et nous un peu plus, mais pas tellement. En revanche, évidemment, il y a toujours une interprétation disponible, et c'est celle de l'autre grand témoin qui est Jean d'Éphèse, c'est-à-dire Dieu. De même que certains pensaient à l'époque de Thucydide que c'était la vengeance des dieux à l'époque, c'est le Dieu unique maintenant qui pourrait être responsable et qui punirait, pénitence, les humains de cette sorte. Comment se développe cette théorie à l'époque? Jean d'Éphèse, il a grandi dans un monastère. Il a passé son enfance dans un monastère, hein, et c'est un ecclésiastique qui vit dans un milieu très chrétien. C'est un syriaque, hein, qui vit dans un milieu intensément religieux et qui applique à ce phénomène public qui touche des cités entières la logique providentialiste, hein, qui existe dans la pensée chrétienne et qu'il développe avec Zeb de Césarée dès le IVe siècle. Et qu'on va retrouver au Moyen-Âge, en Italie, avec le grand pape Grégoire le Grand, ou ensuite, notamment en France, mais pas seulement, en Occident, au moment de la peste noire, c'est cela ? Bien sûr. Hein. En fait, cette interprétation religieuse, elle domine de plus en plus. Un homme comme Procope, hein, qui est curieux de la peste, hein, il est remplacé en quelque sorte par des intellectuels, si je peux utiliser ce mot, qui sont presque tous des membres du clergé et qui ont une lecture spirituelle de la maladie et qui ont une réponse qui peut être liturgique, qui peut être hagiographique, qui peut être spirituelle, mais qui est effectivement religieuse. Avec des rituels d'intercession collective qui sont empreints de terreur apocalyptique, en fait. Est-ce que ça existe déjà chez Justinien ? Chez Grégoire le Grand, je sais que je suis très contrariante, mais... Non, mais c'est ce qu'on appelle une émission. Chez Grégoire le Grand, comme chez Justinien, les premières réponses, ce sont des réponses liturgiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que en créant des processions, on va célébrer des messes pour intercéder auprès de Dieu, et pour ça, on va écrire des prières récitées publiquement pendant la messe. Moi, je dirais que c'est le moment où l'Église chrétienne prend en charge, assume cette fonction salvatrice qui était celle des cultes civiques dans le monde ancien. Là, nous parlons de l'époque de Justinien. Sans doute, je n'exclurais pas que jusque à ce grand traumatisme qu'est la peste de Justinien, il y a eu des réponses très très variées selon les endroits et encore des réticences assez réelles de la part du christianisme à assumer ce rôle de protection directe de la cité et de la collectivité. Avec la peste, ça devient obligatoire. Du côté de Constantinople, il est peut-être un peu difficile pour les contemporains d'imaginer que Dieu protège ses prêtres, puisqu'on nous dit qu'il y avait 80 monastères et qu'ils ont été pratiquement tous vidés de leurs occupants. En fait, aujourd'hui, on sait que c'est parce qu'ils constituaient des foyers d'infection, ce que certains appellent aujourd'hui des clusters. Oui, beaucoup. C'est aussi parce que Justinien a chassé beaucoup de moines, non pas pour des raisons d'hygiène, mais parce qu'ils étaient hérétiques. Les moines, c'est pas les prêtres. Et les moines, pour beaucoup de Constantinopolitains, c'est un peu de... C'est des fauteurs de troubles. Mais effectivement, les monastères ont été très touchés par la peste. Et un des signes de l'impact de la peste de Justinien, c'est du moins la théorie de certains historiens, c'est que Justinien, qui a lui-même été frappé par la peste, et qui a survécu, après sa guérison, a placé sa politique vraiment religieuse, sa politique théologique au cœur de son action. Et qu'il est devenu un obsessionnel de la théologie, et que justement sa politique très intolérante, c'est le deuxième concile de Constantinople, la répression des monophysites, tout ça, ce serait, pour Stephen Mitchell, les conséquences de la peste d'un empereur qui devient obsédé par les questions religieuses. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Alors maintenant, dans cette émission consacrée à la peste de Justinien, Claire Sautinel, il faut que nous en venions à la grande question des conséquences de cet événement. On peut en discuter la dimension, mais il demeure formidable. Et en particulier du côté de la géostratégie et par conséquent de l'armée. Écoutez cet extrait de Agathias, qui est un autre témoin dont vous allez peut-être nous dire un mot, la génération ultérieure à celle de Procope. C'est un extrait d'Histoire, guerre et malheur du temps sous Justinien, et c'est toujours Jeanne Guéroux qui va nous le lire. Ceux qui étaient chargés de la défense étaient ainsi complètement négligés. Accablés par le manque de nourriture, ils abandonnaient le métier des armes pour lequel ils avaient été formés et se dispersaient ici et là en adoptant un autre mode de vie. C'est pour cela que la Thrace et les régions proches de la ville impériale étaient désertes et sans protection, de sorte qu'elles étaient aisément accessibles aux barbares. Ils en vinrent à une telle outrecuidance qu'ils établirent leur camp près du village de Mélantias, non loin de la ville, Les ennemis étant ainsi campés tout près de Byzance, les citadins en foule étaient saisis de crainte et imaginaient des calamités, non seulement telles qu'elles étaient, mais plus grandes encore, un siège, des incendies, la pénurie du nécessaire, la rupture des remparts. Aussi, à plusieurs reprises, dans les rues du centre-ville, se produisaient des paniques soudaines, des bousculades, des délires inexplicables, comme si les barbares avaient déjà pénétré dans la ville. Un énorme vacarme s'élevait dans les boutiques, les portes étaient heurtées avec violence. Ce n'est pas seulement la populace ignorante qui était saisie d'angoisse et de crainte, mais aussi toutes les autorités. L'empereur, lui aussi, je pense, n'était pas indifférent à cette situation. L'armée, c'est très important et ça conduit à une réflexion sur l'influence éventuelle de la peste sur le rayonnement de Byzance, de Constantinople, sur le rayonnement de l'Empire byzantin. Tout à fait. Une conséquence géostratégique majeure et importante, c'est que la peste a mis fin à la guerre contre la Perse, ce qui est une bonne chose parce que les Perses ont eux aussi été touchés par la peste et donc les armées perses qui agressaient l'Empire romain, qui étaient allées jusqu'à Antioche, sont reparties chez elles, ce qui a soulagé l'empereur. Mais en revanche, là où la peste a eu des conséquences très négatives, c'est en Italie. Parce que la guerre en Italie, qui avait commencé avec des actions éclatantes de Bélisaire entre 536 et 540, a tourné très mal par la suite et s'est transformée en une tentative très pénible de conquête, avec des reconquêtes gothiques, avec des pertes humaines et avec l'introduction de la peste en Italie dès 543. Et même si, à la fin, en 552, l'Italie tout entière devient byzantine, hein, en fait. C'est une conquête éphémère qui a coûté très cher et qui a épuisé financièrement l'empire de Constantinople. Parenthèse, comment passe-t-on de Constantinople à Byzance ? Alors là, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, parce que effectivement, on voit revenir chez les historiens grecs le mot de Byzance, le nom de Byzance, qui est l'ancien nom de Constantinople, au VIe siècle. C'est une question qui m'intrigue un petit peu, mais je ne me suis jamais penchée sérieusement là-dessus. Comme si on oubliait un peu le fondateur Constantin. J'espère qu'un jour je rencontrerai le byzantiniste qui m'expliquera ça. Nous laissons la question ouverte pour aujourd'hui. Si vous trouvez la clé de l'énigme, Claire Sautinel, vous nous l'apporterez. Donc certains affirment que cette gigantesque peste de Justinien a été un moment de basculement de l'équilibre des forces et était le début d'un affaiblissement grave de la domination byzantine. Alors je pense que c'est certainement vrai et je pense que la conséquence entre la peste elle-même et l'affaiblissement byzantin, qui est quand même relatif, Byzance ne s'effondre pas après le règne de Justinien. Elle connaît des hauts et des bas, mais pendant encore extrêmement longtemps. La peste oblige à dépenser beaucoup d'argent. Ça peut vous rappeler quelque chose de contemporain. Mais c'est là. Alors, non pas pour des plans de relance de l'économie byzantine, mais effectivement pour la défense. Non pas parce que les guerres sont plus nombreuses, mais l'Empire byzantin, depuis très longtemps, déjà l'Empire romain, c'est des 4e, 5e siècle, est entouré de peuples qui cherchent tous à y rentrer pour une raison ou pour une autre. Donc ça fait bien longtemps que les empereurs sont obligés d'avoir des armées puissantes. S'il y a moins d'hommes, pour les persuader de devenir soldats, il faut les payer plus cher. C'est pas parce qu'il y a plus d'ennemis, mais c'est simplement parce que les baisses démographiques qu'entraînent forcément des épidémies, et si les épidémies sont récurrentes et arrive dans de nombreux endroits, et ça amène des hausses de salaire. La valeur des hommes augmente. Et c'est très bien pour les travailleurs agricoles, c'est pas très bien pour les propriétaires qui doivent payer plus leurs ouvriers, et c'est très mauvais pour un empereur qui, s'il veut construire, doit payer plus les maçons, s'il veut défendre son empire, doit payer plus les soldats. Et pour avoir plus d'argent, comme il n'y a pas de conquêtes nouvelles, de mines d'or ou de choses comme ça, eh bien il faut faire payer plus d'impôts. Et les gens n'aiment pas ça. D'autant plus qu'ils sont beaucoup moins nombreux, puisqu'il y aurait eu 50 à 60% des gens qui seraient morts. Alors oui. C'est vrai que les finances, du coup, sont en capilotade. Justinien déclare décrète en 544, il est venu à notre connaissance qu'après les corrections apportées par l'amour de Dieu pour l'humanité, c'est une façon de désigner la peste, des hommes manipulateurs et intrigants, et ceux qui pratiquent différents métiers et ceux qui travaillent la terre, et même les marins, qui auraient dû devenir meilleurs, font preuve de cupidité et exigent le doublement ou le triplement des prix et des salaires contre l'ancienne coutume. Et puis il s'en prend aussi aux banques qui pourtant désespèrent à l'époque de recouvrer les prêts auprès des éventuels héritiers des morts, à l'exception des églises. Toute activité de construction cesse. Quelque temps pour reprendre après. Sainte-Sophie, dont on parlait tout à l'heure, elle a été construite avant la peste et la coupole s'est effondrée. C'est une coupole immense, un peu fragile, un petit tremblement de terre de passage, la coupole s'est effondrée. Elle a été reconstruite sous le règne de Justinien dans les années 550 et c'était un colossal chantier. Il n'empêche que dans l'ensemble, l'État titube en fait. L'État titube, ça c'est certain. La rapacité fiscale qui, comme on le dit à l'époque, se portant vers des gens beaucoup moins nombreux, forcément c'est... Bien sûr. C'est explosif, non ? Explosif, non, il n'y a pas de grande révolte, c'est avant, c'est au début du règne de Justinien. Et les conséquences, l'impact démographique, on ne peut pas le globaliser parce que d'abord on n'en a pas du tout les moyens historiques. Mais maintenant qu'on commence à avoir depuis une demi-douzaine d'années des études fines locales, l'impact démographique est très variable. Et j'en reviens à l'idée du début, c'est-à-dire que oui, c'est une pandémie parce que le même bacille se retrouve à des distances très grandes. Et on sait que le même bacille est présent dans les cadavres d'hommes en Bavière, en Irlande, dans le nord de la France, en Espagne. En Auvergne, je vois qu'à Clermont-Ferrand. En Auvergne aussi. Bon, à chaque fois, on a quelques individus. Hein, on n'a pas des charniers. Quand on parle de sépulture de masse hein, en histoire ancienne, c'est une sépulture où il y a plus de 5 corps. Hein. Mais ça s'affaiblit en progressant parce que ce n'est pas 5 corps à Byzance vraiment, ou à Constantinople. Alors, archéologiquement, on n'a pas grand-chose à Constantinople. Vous n'agréez pas l'idée qu'il y aurait plus de la moitié des gens qui seraient morts ? C'est ce qu'on nous dit. Il y a plus de la moitié des gens atteints par la maladie qui meurent, mais je ne sais pas comment... Enfin, les chiffres de l'annone... L'annone, c'est-à-dire la distribution de blé pour les habitants de Constantinople, ne montre pas une diminution par deux de la population de Constantinople. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas la moitié des gens de Constantinople qui sont morts, parce que Constantinople, c'est une ville d'immigration. C'est une ville où il y a sans cesse des gens des campagnes qui viennent et des pauvres qui viennent. Et sans doute, la peste a fait venir encore plus de monde à Constantinople, où on peut espérer la charité de l'empereur qu'on ne peut pas espérer dans d'autres villes. On a des villes qui s'étiolent complètement, on a des villes qui redémarrent très bien. C'est difficile. Je dis pas ça pour faire du révisionnisme par plaisir, mais parce que je trouve que c'est un objet historique qui est absolument passionnant, duquel on a énormément à apprendre pour les siècles de transition entre l'Empire romain et le Moyen-Âge, mais aussi pour voir comment on pense l'épidémie quand elle arrive. Et ce qu'on ne voit pas pour l'épidémie de Justinien, même dans les siècles qui suivent, on ne voit pas, par exemple, de changement des sensibilités à la mort ou autre chose. Il n'y a rien d'équivalent au gisant du Moyen-Âge ou aux danses macabres ou à toute cette esthétique de la mort. Ça, c'est totalement absent. Sans doute parce qu'il y avait beaucoup d'autres causes de crise de mortalité entre le 6e et le 9e siècle. Et pourtant, vos auteurs, Claire Sotinel, Procope, Jean d'Éphèse, Agathias aussi, qui est un auteur important, et avec Évagre, c'est la génération ultérieure, génération de distance, tous insistent sur les effets moraux de l'épidémie. Alors, c'est une vision un peu moralisante. On insiste sur l'égoïsme croissant des individus. Procope explique qu'au début, chacun s'occupait des funérailles des morts de sa famille, mais que rapidement, on commença de jeter les cadavres dans les tombes des autres par la fraude ou par la violence, jusqu'à ce que la confusion devienne totale. Et même des gens aisés qui étaient privés de leurs serviteurs se sont trouvés sans personne pour les enterrer. Donc, il y a une sorte d'émergence de la voyoucratie qui est évoquée. En tout cas, c'est une crise de la voyoucratie. Enfin, c'est une crise ponctuelle. Un paragraphe plus loin, Procope explique que les verts et les bleus, les factions opposées du cirque, organisaient ensemble les funérailles de leurs partisans par solidarité face à la peste. Donc, la crise suscite des comportements différents. Le narrateur choisit ce qui est le plus frappant, mais dans la durée, on voit pas un tournant. Enfin, les tournants sont difficiles à voir. Comme le disait Patrick Boucheron là sur Arte tout récemment dans cette semaine son émission, il parlait de la peste de 1348. On connaît la peste par des indices, et les indices de la peste de Justinien, ils sont encore plus ténus que ceux de la peste de 1348. On a des récits plus carrés avec Procope Agathias, mais des récits qui sont aussi modelés sur un modèle littéraire qui est la peste de Sucinine. On a de l'archéologie, mais à l'échelle de l'Empire, c'est très très peu de choses. On trouve dans tous les articles mention d'une grande étude sur un cimetière bavarois qui montre que la peste arrive en Bavière dans la deuxième moitié du VIe siècle. C'est effectivement une étude passionnante qui étudie 15 tombes. Et sur 15 tombes, on trouve 5 sujets dans lesquels on a trouvé le génome de Yersinia pestis, sans qu'on sache si les gens sont morts de ça ou si le génome vient de leurs parents ou d'autres choses. Enfin, je veux dire, on a quand même, on avance sur des pointes d'épingle. Et c'est peut-être un peu tôt pour dire que la moitié de l'humanité a été effacée de la surface de la Terre entre 542 et 750, comme le dit Kyle Harper. Je note que vous n'êtes pas de l'école catastrophiste, Claire. Parce qu'on est évidemment conduit à généraliser à partir de ce qu'on trouve. Maurice Sartre, que j'ai invité souvent à ce micro et qui a donné un texte très intéressant sur la grande peste de Justinien, qui est paru récemment dans l'Histoire, a relevé qu'à une soixantaine de kilomètres au sud de Damas, dans la petite ville qui s'appelle Ezra aujourd'hui, qui s'appelait Zorava autrefois, l'église Saint-Élie des Grecs catholiques a conservé sa dédicace originelle au-dessus d'une porte avec un texte grec qu'il cite. « Les habitants de Zorava, à leurs frais, ont construit le sanctuaire du prophète Élie par le zèle de Johannes, fils de Ménéas, diacre, en l'an 437, sous Waros, l'évêque très ami de Dieu, auquel Dieu a donné le sort fatal de l'aine et de l'aisselle. » Autrement dit, ils ont fait construire une église en l'an 542-543, en hommage, c'est 437 en le calendrier arabe, ce qui en fait une des plus anciennes églises en usage. Et on a des signes, mais la question est de savoir en quoi ils sont représentatifs. Bah, ils sont représentatifs de ce que l'évêque de cette localité a eu la peste et est mort de la peste. De même que il y a une autre inscription que Maurice Sartre cite souvent, parce qu'on a effectivement 4 inscriptions en Syrie qui évoquent la peste, qui parlent de la peste qui a... c'est l'année où un tiers de l'humanité a péri. On va quand même pas commencer à croire qu'un épigraphiste d'une petite ville de Syrie a des statistiques sur la population de l'ensemble du monde méditerranéen. Chacun vous concédera cet esprit de pondération. Merci. Qu'il y ait eu des catastrophes locales, qu'il y ait eu localement la moitié, voire la totalité d'une ville qui disparaît, ça, c'est certain, c'est une vraie épidémie. Sa mesure et son rôle dans l'histoire des siècles entre le 6e et le 9e siècle, disons, à mon avis, reste encore à faire. Alors, pour conclure notre conversation, et puisque nous sommes friands ici des rebonds de l'histoire, j'aurais pu choisir d'autres archives, d'autres grandes pestes, mais je vais vous donner à entendre un extrait du grand film de Ingmar Bergman qui s'intitule Le Septième Sceau, et on voit une sorte de prophète inspiré, pas tellement loin du Philippulus, le prophète de l'étoile mystérieuse. Vous êtes une grande tintinologue, Claire Sautinel. Mais un prophète qui va expliquer qu'on entre dans des périodes qui sont des périodes marquées par la puissance et le mécontentement divin. Nous allons tous mourir de la peste noire. Vous tous, stupides troupeaux, et vous qui vous pâmez de fatuité replète, cela est peut-être votre heure dernière. Döden står bakom min rygg. La mort est là dans votre dos. Je vois son crâne luire au soleil. Sa faux brille au-dessus de vos têtes. Qui sera le premier? Savez-vous tous, bornés, que vous allez mourir parce que vous êtes condamnés? Entendez-vous le message? Condamnés, condamnés! Seigneur, sois miséricordieux, ne te détourne pas de nous. Prends-nous en compassion pour l'amour de Jésus-Christ. Ambiance, ambiance, Claire Sentinelle. Ah ben l'ambiance, l'angoisse et le monde qui se défait et qui se désorganise et qui est certainement très caractéristique de ces grands moments épidémiques, c'est très remarquable. Hein. D'autant plus que ça rebondit, il faut le redire, c'est pas une, je ne voudrais pas désespérer nos contemporains et qu'ils collectionnent les masques pour trop longtemps, de génération en génération, mais la peste de Justinien a rebondi régulièrement pendant deux siècles. Oui, on a des résurgences, des réapparitions de la peste à différents endroits, en Orient et en Occident. La dernière à Constantinople, c'est 749, donc deux siècles. Ben près de deux siècles après, mais c'est pas deux siècles de mort à Constantinople. Certaines résurgences sont plus marginales, touchent moins de population, et un certain nombre des résurgences qui sont enregistrées comme telles sont mentionnées par une ligne de chroniqueurs, sans qu'on sache combien de personnes ont été touchées. Et d'ailleurs, le film de Bergman nous rappelle à quel point la peste du Moyen-Âge de 1348 et des années qui ont suivi... Celle qui est concernée par le film ont marqué l'imaginaire très profondément. Alors que la peste de Justinien n'a pas eu cette influence, ni au moment où elle a eu lieu, ni par la suite. Jusqu'à cette émission. Jusqu'à cette émission et jusqu'aux années 2000. Mais c'est pas encore dans l'imaginaire. On a encore du travail à faire pour la distiller dans l'imaginaire contemporain. La dernière question sur laquelle je voudrais, Claire Sentinelle, que nous terminions cette émission, ce sont les liens avec la nature. Parce que ça aussi, c'est une question contemporaine, évidemment. Très, très, très présente, très prégnante. C'est un moment, cette grande peste de Justinien, où on rencontre d'autre part des mouvements du climat qui, rétrospectivement, apparaissent profonds. Oui, alors on a un accident climatique, non pas un changement climatique de longue durée, comparable au réchauffement que nous connaissons, mais on a un épisode extrêmement brutal en 535-536, qui est un obscurcissement du soleil, hein, dû sans doute très vraisemblablement à une éruption volcanique quelque part dans le Pacifique. On ne le situe pas. On parle du Krakatoa, mais enfin, ça pourrait. Il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus. On a des témoignages contemporains très beaux sur ces mois d'août où le soleil était un vague disque derrière les nuages. Ça ressemblait à la lune. On a 18 mois de voile de poussière devant le soleil et une baisse de 3 degrés des températures, là qu'on peut mesurer partout grâce à la dendrochronologie, grâce à des études, qu'on peut faire des sondages partout. C'est extrêmement brutal, extrêmement rapide. Parce que la Terre rejetait des nuages de sulfate d'une taille exceptionnelle, voilà, dans la stratosphère. C'est la cause. Donc la raison peut être une comète, peut être une éruption volcanique. Ça, l'événement, il n'est pas localisé de façon sûre, mais l'impact, il existe. Et ça crée des crises frumentaires importantes. Hein. Les récoltes n'arrivent pas comme elles devraient. Des crises frumentaires dans des économies qui restent des économies essentiellement agricoles et fragiles, ça veut dire de la disette, sinon de la famine, ça veut dire des corps affaiblis et ça veut dire une plus grande vulnérabilité à la maladie. Si en plus, là-dessus, il y a une maladie nouvelle qui arrive contre lesquelles les organismes ne sont pas du tout préparés, le résultat est encore plus dévastateur. Est-ce que les contemporains font un lien entre ces mouvements incompréhensibles de la nature et l'épidémie qui vient ravager la vie quotidienne ? Pas énormément. Celui qui fait le plus de liens, c'est Procope, mais dans un autre livre qui est L'Histoire secrète. Qu'est-ce qu'il dit ? Histoire secrète, déjà, c'est titre racoleur. C'est très racoleur et le livre est très racoleur. Procope, c'est un historien un peu officiel, donc il dit toujours beaucoup de bien de Justinien. En particulier dans un livre qui s'appelle Les Édifices, dans lequel il montre à quel point Justinien est un grand bâtisseur. Et l'histoire secrète, c'est je vais vous dire tout ce que je pense en réalité de Justinien. Oui, il se défoule alors du coup. Il se défoule et il dit pique-pendre de Justinien. Il dit que Justinien est la cause de toutes les catastrophes. Dans l'histoire secrète, il dit que c'est, on parlait de bouc émissaire, il dit que c'est Justinien qui a lancé la peste pour pouvoir augmenter les impôts. Alors bon. Et que la preuve que Justinien est maudit et satanique, c'est que toutes les catastrophes sont arrivées sous son règne. Mais sinon, on n'a pas tellement d'explication globale, parce qu'on a une autre explication globale, qui est Dieu. En fait, la peste de Justinien, c'est sans doute un moment assez fondateur de la pensée religieuse chrétienne, de ce que doivent être les relations entre les hommes et Dieu, accepter les punitions divines, comme le disait Justinien lui-même, les corrections que Dieu a apportées, et se conformer aux volontés de Dieu pour essayer d'obtenir sa clémence. Et c'est cette forme de pensée qui a dominé jusqu'à une période très récente. Mais si on observe aujourd'hui la transformation radicale des réponses religieuses à l'épidémie qui nous touche aujourd'hui, on s'aperçoit que là, on a changé de monde par rapport à celui qui s'est ouvert avec la peste de Justinien. La dimension du sacré vous paraît beaucoup diminuée? Ben, elle a complètement disparu. Changé, parce que les églises institutionnelles, je ne parle pas des sectes ici ou là, sont restées dans le domaine du spirituel. Je renvoie à l'image du pape sur la place Saint-Pierre vide. À aucun moment, il n'a prétendu apporter une solution à l'épidémie. Merci beaucoup. Nous restons sur cette impression un peu négative, Claire Sautinel. Pourquoi vous attendiez à ce que je vous promette une solution divine? J'espérais, en vous invitant, bien sûr. Je l'espérais. Vous avez évoqué le livre de Kyle Harper, « Comment l'Empire romain s'est effondré », dont vous avez donné, d'ailleurs, dans l'histoire, un compte-rendu remarqué. Vous avez cité aussi, nous avons cité Frédéric Audouin Rousseau, alias Fred Vargas, dans le livre « Les chemins de la peste », très informé, qui est paru à l'origine aux presses universitaires de France, vient d'être republié aux éditions Talendier. Et puis, il faut aussi citer le livre de Jean Vitaux, qui s'appelle « Histoire de la peste » aux presses universitaires de France. Que ce me soit aussi l'occasion, Claire Sautinel, de rendre hommage à votre opus magnum, à votre très bel ouvrage dans la collection Mondes Anciens que dirige Joël Cornette. Vous avez donné récemment aux éditions Belin un ouvrage qui s'appelle « Rome, la fin d'un empire ». Ça concerne une période un peu antérieure à celle de Justinien. Très belle synthèse des connaissances historiques actuelles sur cette période. Vous pourrez trouver une bibliographie naturellement plus complète sur notre site avec les références des documents sonores utilisés, avec une liste des émissions qui, dans le passé, ont évoqué ces grandes questions déjà, et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster celle-ci. Samedi prochain, je vous emmènerai loin, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, je vous emmènerai jusqu'en Australie, parce que juste avant le confinement, chacun avait été frappé par les terribles incendies qui avaient frappé ce pays. Eh bien, nous en parlerons d'un point de vue aussi spatial, l'Australie face à son espace. Et je recevrai pour le faire Xavier Ponce. Lundi matin, je le signale aussi avec plaisir, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit. Il consacrera sa semaine au sujet suivant, des braves, point d'exclamation, les figures du guerrier. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou et réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Anthony Thomasson à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Gwen Michel. Dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.